Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, une histoire du mouvement des travailleurs arabes, une série d'Ager Ben Boubaker, réalisée par Angélique Thibault. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'au moment où l'on commémore la nuit meurtrière du 17 octobre 1961, et alors que résonnent les discours racistes de cette année électorale, on a voulu raconter des mobilisations politiques antiracistes et des élans collectifs et solidaires. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des Tunisiens en grève de la faim, un hélicoptère, des circulaires et un homme qui regarde avec tendresse et émotion une vieille photo d'un couple d'amis fatigués et souriants. Mais pour commencer, dernier épisode, on est à Paris, en 1996, à l'église Saint-Bernard. Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de l'intervention d'Alain Juppé, les forces de l'ordre sont donc intervenues ce matin à l'église Saint-Bernard. Environ un millier de gendarmes mobiles et de CRS qui ont forcé vers 8h moins le quart la porte de l'église Saint-Bernard pour s'emparer des sans-papiers. À leur 50e jour de grève de la faim, les grévistes ont été évacués. Le récit de cette matinée musclée, Pascal Doucet-Bon et Valérie Fourniou. Jusqu'au bout, ils tentent de faire barrage à l'assaut des forces de l'ordre. Mais les gendarmes mobiles arriveront à leur fin en 20 minutes. Les portes de l'église mettront moins de temps à résister. Antenne 2, 23 août 1993. Le pain de chaque bouche, sacré, consacré, parce qu'il sera le produit de la plus longue, de la plus dure lutte humaine. J'ai un peu honte pour nous. Exister, c'est exister politiquement. Ager Ben Boubaker, Angélique Thibault. On est venu ici à la France pour qu'on travaille. On gagne notre vie. Alors, on travaille à la France son quart travail, son quart de 6 jours. Et son quart travail, son quart de 6 jours, on travaille chez les patrons, c'est-à-dire que le travail merdant, on travaille les heures au plus et mal payé, et sans fiche de paye, et il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'esclavage moderne. C'est une exploitation moderne. C'est le servage moderne. Les années 70 marquent la naissance du mouvement des sans-papiers, avec une campagne nationale de grève de la faim, orchestrée par le mouvement des travailleurs arabes, la gauche chrétienne et le comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés, collectif, né à la suite de la grève de la faim de deux cofondateurs du mouvement des travailleurs arabes, Saïd et Fawzia Bouziri. Au même moment, les immigrés s'organisent dans un front large, pour leur droit au logement digne, en luttant contre la Sonacotra. Alors, tu voulais... Ben voilà, alors. C'est ce que je vous ai amené. Parce que, j'ai quand même, je ne me souviens pas de tous les noms. Bernard Lehambre, militant d'extrême-gauche et membre du comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés. Et tu vois, je l'avais fabriqué. Comme ça, on ne savait pas que c'était un agenda. Ah. Et il y avait les noms des militants. Il y a des noms de tout, des gens qu'on rencontrait, des gens qu'on devait contacter, notamment les avocats, les organisations, etc. etc. Tiens, tu vois, j'ouvre au hasard. Guy Dufaux. Guy Dufaux était à l'USFDT 18e. Il habitait 90 rue Le Pic. Il avait en plus un truc. Quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, il me disait, j'ai un peu honte d'en parler. Je dis, comment, tu as honte d'en parler? Il me dit oui, parce qu'il travaillait dans une boîte qui fabriquait des capotes anglaises. Je me suis trimballé un peu partout, tu vois. Très au service des gens qui luttaient contre tout ce qui était les dictatures, les choses, les injustices. Les travailleurs immigrés, c'est une question importante et délicate. Importante parce que quoi qu'on pense du sujet, il y a un chiffre que les Français doivent méditer, Il y a actuellement en France au moins 3 700 000 étrangers. Et parmi ces étrangers, 1 900 000 travailleurs, ce qui représente 10% de la population active. C'est un pourcentage très important. Délicate, parce que ce problème n'a pas seulement des aspects matériels, vous le savez, mais également psychologiques et culturels, et nous allons également en parler ce soir. Ce n'est pas neuf, l'immigration, mais depuis quelques semaines, c'est encore plus d'actualité. Vous vous souvenez par exemple de la grève des OS de chez Renault, c'était en majorité des immigrés. Il y a eu des déclarations gouvernementales sur ce sujet, il y a eu des grèves de la faim. Cette situation nous a amené à ouvrir ce soir ce dossier. Les immigrés, qui sont-ils? Voici une première approche. Mais il ne faut pas oublier que les années 70, c'est une époque où on parle du problème immigré. L'immigration est pointée du doigt dans un contexte où la crise pétrolière met un terme à ces périodes d'abondance. Naïma Yahi, historienne. Cette mise en cause de ces bras qu'on veut renvoyer chez eux, alors qu'il n'y a plus, on n'est pas encore dans le moment où il n'y a plus de travail comme début des années 80, mais on commence à remettre en cause leur présence. Et c'est cette séquence qu'on connaît mal parce que on parle pas d'intégration. On la connaît mal parce que on ne comprend pas cette demande de droit, alors qu'on dit à ces mêmes travailleurs arabes, mais vous nous avez chassés de vos pays, vous avez mis fin au système colonial, et maintenant vous venez travailler chez nous, vous demandez des droits. Quel projet de société vous voulez participer? Vous n'êtes pas français, et vous êtes là pour répondre à un besoin de main-d'œuvre temporaire, et vous n'avez aucun droit à demander. On est dans le temporaire, comme les tôles des baraquements des bidonvilles. On est dans le temporaire, et le temporaire n'appelle pas des droits spécifiques. Et de manière, j'allais dire, assez assumée au plus haut niveau de l'État, on a un discours de provisoire et de dispositif de retour. Et donc ça commence déjà à se cristalliser avec la crise pétrolière de 73 et toutes les lois qui vont restreindre le droit au séjour, comme les circulaires de Marcel Fontané, les dispositifs d'aide au retour, et toutes, j'allais dire, les restrictions sur le séjour des étrangers en France, et particulièrement des Maghrébins. Nos routes, nos autoroutes, c'est eux. À l'usine, la chaîne, c'est eux également, à 70 ou 80%. Les jeunes Français ne veulent plus y aller. Antenne 2, 1976. Ils remplissent des emplois divers, de nettoiement, de domesticité. Les éboueurs, c'est eux, souvent. Le problème des immigrés fait désormais l'objet d'un débat économique, social, humain dans la communauté française. D'autant plus que les premiers signes d'une politisation sont apparus. Leur délégation était importante au défilé du 1er mai. Les grèves de la faim se multiplient. Que faire? C'est l'une des questions que nous nous posons ce soir. On nous a toujours dit oui, l'immigration est absente des grèves de mai 68. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que beaucoup ne se sont pas sentis concernés par un conflit de Français, en fait. Mais il y a des conséquences. Comme ce Lupin prolétariat, pour reprendre les termes de l'époque, que constitue l'immigration maghrébine et algérienne en particulier, qui est très présente dans des sites. On va pas parler de l'IP, de tous ces lieux mythiques des mouvements ouvriers, mais on va parler de l'île Seguin, d'autres bastions comme ça, l'automobile ou de l'industrie sidérurgique, où les Maghrébins sont très nombreux. Moi qui viens du nord de la France, donc l'industrie textile, on a comme ça des bastions dans les bassins d'emploi où l'immigration maghrébine est très présente. Et du coup, a intérêt à défendre spécifiquement sa place, surtout une décennie avant qu'on entende les Arabes au four dans les manifestations anti-immigrés, dans les piquets de grève qu'ont tenus les Maghrébins chez Talbot Poissy ou ailleurs. On a une fracture de la classe ouvrière entre les ouvriers français qui sont les premiers à demander à ce que les licenciements concernent l'immigration en premier lieu. On va te demander une petite présentation. Deux. Une petite présentation où tu dirais ton nom. Je m'appelle Bernard Lehambre. J'ai effectivement été un des militants d'un comité de défense des droits de la vie et des travailleurs immigrés en France pendant une dizaine d'années, dans les années 70. Et j'en suis reconnaissant à toute cette population immigrée que j'ai rencontrée à ces occasions, qui m'a permis de me réaliser pleinement en tant qu'individu, avoir une conscience sur le monde beaucoup plus ouverte qu'auparavant, et à demeurer en mon âme et conscience un étranger qui se sent chez lui, partout où qu'il soit, quel que soit le pays où il se trouve. Mais pour moi, tout a démarré à Valence. Voilà, c'est à Valence où il y a eu une grève de la faim au moment de Noël. Et un grand intellectuel, Maurice Clavel, voilà, son nom me revient. Maurice Clavel a fait un papier et a dit, voilà, c'est un miracle. Parce que le jour de Noël, finalement, ils ont obtenu leur papier. Et donc, les chrétiens de gauche qui avaient été le soutien à cette grève de la faim, alors, il y avait un lien entre la grève de Saïd et Valence. Je ne sais pas exactement comment ça s'était passé. En tout cas, les grévistes de Valence étaient tunisiens comme Saïd, ça c'est sûr. Bon, de toute façon, il y a un fil conducteur, c'est tunisien, tunisien, tunisien, tunisien. Quelquefois marocain, très rarement algérien. Parce que les Algériens n'avaient pas les problèmes, même problèmes de papier. C'était l'État algérien qui donnait les papiers. Ce qui était une chose close des accords d'Évian. Si bien que ceux qui étaient venus en clandestin étaient en rupture avec l'État algérien, avec les dirigeants algériens. Donc quand on a régularisé en juin 73 les situations, à partir de juin 73, les quelques Algériens qui avaient besoin de papier, c'était un problème pour les autorités françaises parce que c'était en rupture avec les accords d'Évian. Vous savez que toute relation entre travailleurs et employeurs est toujours sanctionnée sous forme d'un cinéma en lutte, 1973. Vous êtes tous au courant du fait que pour vous, il n'existe pas de qualification, vous êtes de la main-d'œuvre non qualifiée, en d'autres termes, des manœuvres. Il vient quand même, on est dans l'après-guerre, même 20 ans après. Après la guerre, il y avait un besoin à tout prix de main-d'œuvre pour reconstruire la France. Pour cette reconstruction, la résistance avait pondu ces fameuses ordonnances de 1945 qui prévoyaient la venue en masse de travailleurs immigrés et on allait les employer pour reconstruire et en échange, on allait permettre aux Français d'avoir des postes et de devenir des petits bourgeois dans le prolétariat français. Voilà, c'était un deal profond et c'était bien ancré. Bon, en même temps, les mesures qui étaient prises à partir de 72, dont les fameuses circulaires Fontanet-Marcellin, dont on allait organiser vraiment une campagne pour leur abrogation, et ça a été une campagne nationale qui a été menée partout, avec des moyens qui étaient contestés par les syndicats, parce que la grève de la faim n'est pas dans la culture syndicaliste française, européenne. On me disait, mais qui tu es, toi ? Pourquoi tu t'occupes de ça ? Je lui ai dit, mais si vous avez fait votre boulot de syndicaliste, j'aurais pas besoin d'être engagé dans cette lutte-là. Mais du coup, pourquoi les syndicats, à cette époque, ne s'engageaient pas pour défendre de manière pleine et complète les travailleurs immigrés comme les travailleurs français ? J'ai une réponse là-dessus qui est très, très, très franche. C'est qu'il y a eu un deal avec le patronat. Dans les grandes entreprises, les travailleurs français allaient recevoir des formations, monter en haut de la hiérarchie, et les travailleurs immigrés auraient toutes les basses tâches de travail qui leur seraient réservées. Les discours qui revenaient à la fin du mois dans les grandes entreprises, le travailleur français demandait à son camarade immigré « Tu me livres ma bouteille de Ricard ?» Et souvent, ce travailleur français était dans un syndicat. Aux grandes cérémonies du Parti communiste français, vous aviez les panneaux de Ricard, parce que Ricard finançait la plupart de ces manifestations. C'est là, dans le contrat. Moi maintenant je vais parler un peu de moi et j'aime pas parler de moi, mais comme je suis le seul survivant. Quand je suis arrivé en France, d'abord pourquoi je suis venu à 15 ans. Eddie Akari, militant du mouvement des travailleurs arabes. En juillet 71, mon père nous réunit toute la famille, on était 4 garçons. Le papa nous dit qu'il ne peut pas subvenir pour que les 4e rentrent à l'école. Et comme moi, j'en avais un qui est presque fini, le deuxième, il vient de commencer, et puis le troisième, il commence. Je me suis dit, ben, il n'y a que moi qui peux arrêter, quoi. Et j'ai arrêté de l'école. Je suis allé travailler, j'ai vu que c'était pas ça, quoi. Et j'ai décidé de venir en France. Et je me retrouve dans le bateau tout seul. J'ai pris le bateau, j'ai pris le train à Marseille. Et j'arrive à Paris, où je ne connaissais personne non plus. Mais j'ai retrouvé deux personnes qui sont de ma ville, qui m'ont hébergé le temps que je trouve des cousins, des gens que je connaissais. Et ce qui est bien dans ces années-là, quand je suis arrivé avec du travail, je faisais 3 boulots. Je travaillais le matin dans le nettoyage. Après, j'allais laver les casseroles dans un restaurant, porte de Versailles. Et après, l'après-midi de soir, de 6h à 18h, je faisais aussi le ménage dans une caserne militaire, je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était dans le 15e, je crois. Il y a encore en France des esclaves. Pour la carte de travail, contre la circulaire Fontanet-Marcellin, mais il n'est pas dans le texte. Les mêmes droits pour tous les travailleurs. 50 ouvriers immigrés font la grève de la faim. Venez les soutenir, église Notre-Dame de la Croix, 4 rue Eupatoria, à Ménilmontant. C'est peut-être des souvenirs aussi. Alors ça, c'était agréable. Ouais. Alors ça, c'était à Saint-Hippolyte. C'est à Saint-Hippolyte, dans le 13e. Là, j'étais avec eux, et j'ai dormi toutes les nuits avec eux. Ouais. Ben, c'était d'abord, il y a eu Valence Noël. Du coup, dans le comité, quelqu'un qui était un chercheur qui s'appelait Jean Neco, et Neco dit il y a des curés fantastiques à Saint-Hippolyte, dans le 13e, j'aurais parlé, ils sont prêts à accueillir là les grévistes de la faim chez eux. Et l'église était au milieu des chantiers. Toutes les tours que vous voyez maintenant, dans le 13e arrondissement, c'était les usines de Citroën qui avaient été rasées et on creusait les fondations de ces tours. Donc vous n'aviez que des travailleurs immigrés qui bossaient là-dedans. Donc l'église avait cette petite église de rien du tout. Tout à coup paraissait un monument important. Maintenant, quand je passe devant, ça paraît vraiment un truc minuscule. Et finalement, tous les travailleurs qui bossaient, tous les ouvriers qui bossaient sur les chantiers voisins sont venus. Certains se trouvaient avec des situations victimes de la circulaire Fontanet qui créaient des clandestins. C'était aussi un des aspects que l'on montrait, que des gens qui étaient en situation régulière à cause de la circulaire se retrouvaient en situation irrégulière. Et on a eu gain de cause. Moi, j'étais crevé et je suis parti en Grèce tout de suite après. Voilà. Pour vous dire quoi, voilà, parce que j'étais aussi lié avec la résistance grecque, et je portais des papiers là-bas, voilà. Et nous luttons jusqu'à la fin pour avoir la carte travail. Sans la carte travail, on n'accepte rien, même si on va mourir tous. Mes camarades qui font la grève de faim, qui sont camarades immigrants comme nous, qui ont les mêmes problèmes, nous ne voulons carta de trabalho. Querem que a gente tenha carta de trabalho enquanto temos trabalho e possa defender-se para os seus direitos. نحن نطالب بأخذ أخذ عمل ما نحبوش كونترا أخذ كونترا تحت سيطرة الباترونات ما نحبوش نحن نحبو بطاقة عمل Pour vaincre, il faut briser l'isolement. Comme j'ai fréquenté les deux quartiers, Belleville et Barbès, j'ai rencontré plein d'autres Tunisiens qui travaillaient aussi, mais ils étaient dans la même situation que moi, ils n'avaient pas les papiers. Et on a entendu parler d'un couple de Tunisiens qui faisait la grève de la faim. C'était Saïd Bougeri et Fawzia. Ils faisaient la grève parce qu'ils voulaient les expulser, ils ont fait la grève. J'ai dit, je vais aller les voir. Je leur ai parlé de notre situation. On a dit, voilà, on n'a pas de papier. Et Saïd et Fawzia, ils ont dit, mais si vous voulez, vous pouvez faire... Une grève de la faim. La grève de la faim, moi, je connaissais même pas ce que c'était. Comme j'étais jeune et je ne pouvais pas, si je rentre, je peux plus venir. J'étais obligé de faire ça. Et comme mes parents comptaient sur moi pour les aider, je ne pouvais pas. Alors j'ai dit, je suis revenu voir tous les Tunisiens, là. Voilà ce qu'ils nous proposent. Ils ont dit, on va faire la grève de la faim. Et après, ça a été vite. Comme on pensait aux autres, on a dit, il ne faut pas dire qu'on n'est que 20 ou 25 ou 26, on était. On a dit, on va faire 57. Je ne sais pas pourquoi 57, mais on a choisi 57. Et on a mis, sur le mur, 57 crévices de la faim de l'église des Ménilmontants. Alors, nous avons décidé, les 56 émigrés, de faire la garde de la faim. L'impérialisme français ne se contente pas de piller les richesses matérielles de ses anciennes colonies. Il s'en sert comme un réservoir de main-d'œuvre et importe systématiquement des travailleurs en métropole. Ainsi, la bourgeoisie veut constituer une couche de travailleurs surexploités, privés de droits et entièrement soumis à l'arbitraire patronal et policier, qu'elle tente d'opposer au reste de la classe ouvrière. La circulaire Fontanet-Marcellin cherche à rationaliser cette politique. Elle en aggrave tous les aspects sous prétexte de légaliser la situation des travailleurs immigrés. Dans les luttes d'usines, les travailleurs immigrés sont souvent à l'avant-garde. Les OS de Renault Biancourt et de Renault Flin, en majorité immigrés, donnent l'exemple de la combativité et de la ténacité ouvrière. Montrez ces dernières personnes que vous connaissez bien. Oui, c'est ça, il était Fawzia. Ben là, voilà, cette image-là, le jour où je suis allé, ils étaient comme ça. C'est-à-dire, ils étaient assis contre le mur. Et je suis arrivé, mais ils étaient fatigués, quoi, parce que c'était la grève de la faim. Et c'est le même sourire. Et le même... Oh là là. Moi, parce que j'avais 16 ans. Et eux, ce qu'il les a... Parce qu'on est devenu une famille, après, c'était... Moi, j'ai fini, je vous ai dit, ma scolarité avec des gens comme ça. Parce que ce que tu apprends dans la vie, pratiquement, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et cette pratique-là, elle reste gravée comme la première truc que j'ai appris à l'école. Hein. C'est pareil, sauf que là, ça m'aide jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui leur touche, ça me touche. Si j'appelle pas Fawzia au moins une fois par mois, je me fais engueuler. Voilà, je sais pas où t'as eu cette photo. Mais je vais prendre une photo de cette photo. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. C'était quand du coup ? C'était en mai 73. Et c'était en 72 là. Ah, c'était en 72. Ouais. Ça c'était en 72. Mais si, ils étaient aidés par les gens connus. Moi je ne savais pas qu'ils étaient connus. C'est après que j'ai appris. Il y avait le philosophe. Sartre. Il y avait l'acteur là, italien d'origine là, qui était marié à Simone Signoret. Yves Montand. Et c'est même Simone, ils sont venus dans le 18e, bien sûr. Mais moi, je ne connaissais pas les gens. C'est des gens qui viennent t'aider. Ils viennent t'aider, ils distribuent bien le tract, ils parlent bien, ils t'aident. Et puis tu vois que les flics n'osent pas s'approcher, n'osent plus. Et Foucault aussi, le chauve là. Et Foucault aussi. C'est le jour où il est mort. Hein. J'apprends, j'ai dit, mais je connais lui. Je connais parce qu'on s'est assis dans les cafés ensemble, parce qu'on a distribué ensemble, parce qu'on était dans la boue ensemble, parce que... Vous m'avez dit qu'il y avait une seule femme gréviste de la faim avec vous ? Vous étiez que des... Une seule femme, mais une femme spéciale. C'était une femme de joie, et elle n'avait pas ses papiers, mais elle travaillait bien. Hein. Elle faisait son boulot bien, elle gagnait bien sa vie. En plus, elle avait une chambre, elle avait tout ce qu'il fallait. Comme nous, on n'était pas 57, il fallait arriver au chiffre 57, on allait un peu partout. Et elle a entendu qu'il y avait une grève de la faim, elle est venue. Mais c'était la maman de... C'est elle qui gérait l'eau, les sucres, parce qu'on n'avait pas le droit de manger avec de l'eau, du sucre. Hein. Et elle a eu ses papiers comme nous. En tout cas, ça a duré 29 jours. 29 jours parce que, à partir du 20e jour, la tension commence à baisser. Et c'était un peu grave pour l'État, parce que comme tout le monde venait parler de nous, parce qu'il y avait la presse, il y avait les journaux, il y avait les radios, il y avait les... Et oui, deuxièmement, ça nous a aidés parce que ça a été médiatisé. Et l'État ne pouvait pas faire autrement. Parce que, je sais pas, vous vous rappelez peut-être pas, c'était Marcelin Fontanin, c'était les plus durs, les plus racistes de deux ministres, que ce soit le travail ou l'intérieur. Ils nous ont convoqués, c'était en mai du 73. Et puis on est parti, une délégation. Et on est arrivé dans le bureau du ministre du Travail. Il avait déjà préparé le papier. On lui a dit oui, mais nous, c'est bon, nous, on le sait qu'on va avoir nos papiers. Mais les autres, comment on fait? Il faut que vous sortez dehors et vous dites aux journalistes, vous lisez ce papier. Il faut le lire. C'est à vous, vous avez décidé de donner à tout le monde. Il faut le lire, il faut le dire à tout le monde. Là, non, c'est pas prévu, je sors pas. Bon, on a dit, vous sortez pas, on continue. On revient, on refait la grève, et puis on verra le jour où vous décidez de sortir, il dira tout le monde. Et bah, après, il est obligé de sortir. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été régularisés. Et grâce à ça, ça a donné un souffle de, au mouvement travail arabe, c'est déjà, parce que tout le monde parlait, c'est le mouvement de travail arabe qu'ils ont soutenu, ce truc, les tracts, c'était signé par le mouvement de travail arabe. Et juste pour moi, je reviens sur moi, parce que moi, dans ces 29 jours que j'ai passé avec les grévistes, j'ai fini mes études de... vous savez, dans la vie, il y a l'école, puis il y a l'école de la vie, l'école des gens qui te parlent vrai, qu'il t'aide et qu'il te montre le bon chemin. Et je me suis promis à moi-même, je me suis dit, toute ma vie, je vais aider les autres. Alors, il est vrai qu'on faisait que ça. Saïd, Mokhtar, on était pris 24 heures sur 24. Ça tourne. Vraiment, oui. J'ai un point d'histoire examiné avec toi. C'est à propos de la grève de Ménilmontant, et de son succès, qui a abouti à la circulaire Gors permettant la régularisation des travailleurs immigrés pendant l'été 73, et qui a permis à 35 000 personnes d'avoir leurs papiers cette année-là. Ce qui s'était passé, c'était non seulement parce que c'était une grève massive, comme on l'avait appelé, et active, rappelle-toi. Saïd Bouziri, au micro de Bernard Lehan. D'une part, ils faisaient la grève de la faim, mais en même temps, ils étaient 56. Agence immédiate. 1999. Dans un seul espace, qu'il y avait tous les gens qui avaient soutenu les autres grèves de la faim et que la revendication était la régularisation de 56, mais aussi trouver une solution pour tout le monde. Hein. Et en même temps, ils étaient, en tout cas pendant toute la période valide des premiers, de plus que les premiers jours, on sortait tous les matins pour aller voir dans les usines. Je me rappelle à Citroën où Herta nous a amené les compagnons, et elle expliquait et avec les sans-papiers de l'époque, hein, qui se battaient pour la carte de séjour, qui venaient expliquer dans l'usine et partout, à 5 heures du mat, à Renault et surtout à Citroën. Et puis parti, les gars, ils avaient envie d'expliquer ce qui leur arrivait à tout le monde et en faire une affaire. Et ça, c'était quand même important. Et c'est vrai que la réussite, le fait qu'on ait eu la circulaire Gors, me semble l'aboutissement effectivement de ce mouvement positif, c'est-à-dire que pour une fois et moi je le dis à qui veut m'entendre, parce que personne ne t'écoute là, c'est de dire grosso modo, c'est quand on parle de régularisation, on dit la première régularisation en 81. Moi je dis pas que c'est faux qu'il y ait eu pas, au contraire il y a eu une bonne régularisation en 81, mais c'était pas le premier mouvement de régularisation. Voilà, c'était avec Saïd, Mokhtar et Amar, c'était un trio tout à fait remarquable de l'agitation ouvrière. Quand on a démarré à trois, on crée un comité de soutien aux travailleurs mauriciens de cette entreprise Silverio. Naturellement, le MTA vient, parce que tout de suite, dans le comité de soutien, il y a des travailleurs arabes du secteur qui sont dans des usines, qui sont maltraités, mal payés, etc. Et à ce moment-là, les copains du MTA débarquent, interviennent, et c'est la grève dans l'usine. Ils savaient parler aux travailleurs, ils savaient... C'était des agitateurs remarquables. Bon, et ça, moi, j'avais une admiration pour eux. Les autres qui étaient là au nom d'un parti ou de textes marxistes, c'était vraiment minable leur action à côté. Ce qui nous a aidés, c'est qu'en province, d'autres travailleurs ont commencé à se mettre en grève de la faim à leur tour. Donc notre souci, c'était de faire en quelque sorte une coordination de toutes ces luttes, et l'on a comme ça préparé un grand rassemblement de tous les grévistes de la faim et des comités de soutien qui s'étaient créés autour d'eux à Paris, à la Mutualité. Voilà, et ça a été un moment très très fort qui a été, je pense, décisif, parce que c'était en appui avec les travailleurs de Ménilmontant et le comité de défense. Nous assurions l'intendance. On n'apparaissait pas forcément au devant dans les manifs. L'essentiel, c'est que nous, c'était de craindre qu'il y ait des mouvements d'extrême droite qui se manifestent. Donc, j'ai passé mon temps à être dans les rues parallèles des parcours qui avaient été négociés avec la préfecture pour voir s'il n'y avait pas des groupes qui étaient prêts à attaquer les... Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a Le Pen qui commence à arriver avec ses troupes. Hein. Tu as cité Mokhtar tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux me parler de la grève des Pakistanais? Enfin, il n'y a pas que des Pakistanais, me semble-t-il. C'était Des Mauriciens. Des Mauriciens. Il y avait aussi... Et puis, il y avait des Marocains. Des Marocains. Des Marocains. Ben, écoute, ça, c'est lié à notre travail avec les Mauriciens. Alors, il s'est produit que le réseau mauricien qu'on avait pu installer était très à l'écoute. On noyautait complètement le sentier. Et dès qu'il y avait une descente de police dans un atelier, on était averti dans l'heure par les ateliers suivants. Et on pouvait intervenir auprès des policiers, parce qu'on avait les noms de ceux qui avaient été arrêtés, etc. Mais on pouvait intervenir que pour les Mauriciens. Or, quand ils raflaient aussi des Pakistanais, ils raflaient aussi des gens d'autres nationalités qui pouvaient se trouver dans l'atelier et en situation irrégulière. La liaison avec les Pakistanais était dans l'organisation du travail du sentier. Voilà, les Pakistanais n'avaient pas accès à l'atelier, c'est-à-dire c'est pas eux qui cousaient, qui étaient derrière la machine à coudre. Par contre, ils étaient dans la rue et ils attendaient quand on livrait les ballots de tissu. C'est eux qui montaient les ballots dans les étages des ateliers. Donc ils étaient toujours rassemblés à l'extérieur. Ils vivaient dans quelques hôtels de la rue d'Aboukir. Ils attendaient. Alors ils avaient trouvé un autre job qui était de vendre le journal en tant que crieur. Mais alors ils devaient marcher, parce qu'il y avait ceux qui avaient les kiosques, les kiosquets. Et les kiosquets, ils ne voulaient pas qu'il y ait un mec qui vienne en face et qui se mette à vendre le monde. Mais surtout, on leur interdisait de passer à la rive gauche. les ponts, il y avait des barrages de kiosquiers au moment de la sortie de presse qui les attendaient sur les ponts parisiens pour empêcher les Pakistanais d'aller vendre le journaux dans la rive gauche. Donc, les Mauriciens nous ont mis en rapport avec les Pakistanais. Alors, on a eu des réunions avec eux. Ils ne sont pas venus 3-4, mais ils sont venus à 500. La rue du Long, il y a 500 travailleurs. Et qui avaient désigné un groupe parmi eux pour faire la grève de la faim. Et puis après, il y a ceux qui voulaient s'immoler par le feu. Alors là, c'était notre terreur. On a dit, mais écoutez, pour les papiers, on ne met pas sa vie en danger. Et on s'est aperçu tout à coup, dans la grève de la faim, qu'il y avait de l'essence partout. Il y avait des bidons d'essence dans tous les coins. Et il y a un jeune Marocain qui apprend que sa petite amie au Maroc le quitte désespéré. C'est lui qui s'asperge d'essence. Et à la dernière minute, on a pu le ceinturer pour l'empêcher de s'immoler. Non, ce qu'il y a eu à un moment donné, ça a été l'occupation de la direction départementale qui se trouvait à Faubourg-Montmartre, près de la Bourse. Il y a tout un groupe qui a occupé, qui avait emmené des cocktails Molotov. Et comment ça s'est arrêté ? Ben, ça s'est arrêté, un hélicoptère a amené les papiers. Il paraît que la négociation s'est faite sur le trottoir et c'est Saïd, en partie. Ouais. Les papiers sont arrivés par hélico et la plupart des travailleurs ont été embauchés par les SNCF. La deuxième édition d'Intersoir, Patrick Pauvre d'Arvor. Bonsoir, le chef de l'État ne présidera pas le Conseil des ministres de demain après-midi. Et tout à coup, voilà, Tipa, que Pompidou meurt. Et quand la France rentre en campagne présidentielle, il n'y a plus rien qui compte. On avait, pour la première fois, reçu des soutiens des socialistes. Et puis tout à coup, ces représentants des différents partis nous disent « On va gagner les élections, avec le nouveau président, tout ce problème va être réglé. » Ah, bon. Et ils s'en vont et ils disparaissent et on se retrouve, nous, avec nos 500 travailleurs, dont certains menacent de s'immoler si jamais la situation paraissait bloquée. Alors là, on a imaginé, puisqu'il y a une campagne présidentielle qui démarre, on va désigner un candidat immigré. C'est comme ça qu'on a inventé le candidat immigré, Jilali Kamal, qui était un jeune gréviste qu'on allait bombarder. Et du coup, ça a eu un effet immédiat de ramener la presse et de faire parler encore de ce qui se passait à la rue du Loup. Meeting non-stop hier soir à Lyon avec Alain Krivine. Pendant près de 4 heures, commissions, films, interventions diverses et débats se sont succédés. Travailleur immigré Jilali Kemal, candidat symbolique aux élections présidentielles, était présent à la tribune. Les immigrés, qui sont-ils ? Voici une première approche. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed, le surnommé par les camarades du Comité Palestine Fidaï, et surnommé encore une deuxième fois par les camarades du Comité de coordination du foyer Sonacotra, Mohamed Sandouni. comme ça que tout le monde me connaisse. Bon, je suis algérien, et puis je rentré en France en 1969, et j'ai toujours travaillé. Malgré, j'étais militant. C'est moi le chauffeur du comité Palestine. Après le comité Palestine, on a créé aussi le mouvement de travailleurs arabes. Ça s'appelle le MTA. On court la nuit avec nos camarades. On fait des panneaux dans le gré des chantiers la nuit. quand la journée se lève, toutes les chantées, ils sont avec des trappes palestiniennes, avec vive la Palestine, Palestine vaincra. Et puis voilà, on a continué quoi, à travailler. Puis finalement, quand il y avait le problème de racisme après la nationalisation du pétrole de l'Algérie, il y avait un racisme qui s'est développé en France, qui commençait à attaquer les travailleurs étrangers, et notamment les travailleurs arabes. En ce moment-là, tant que militants, on était déjà sur le terrain, on se laisse pas faire, bien sûr. Et après cela, bon, il y avait des problèmes des foyers, hein, les loyers qui étaient trop chers. En plus, il y avait de la dictature et le racisme aussi dans les foyers. En même temps, on était comme des prisonniers dans les foyers. La Sonacotra, Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, gère en France environ 260 foyers. Dans une cinquantaine d'entre eux, un mouvement de grève des loyers a commencé il y a plusieurs mois. Un comité de résidence est formé dans beaucoup de ces foyers pour protester contre les relèvements successifs des loyers. Interactualité. Moi, je suis marocain. 3 avril 1974. Ça fait 9 ans passés. Et dans ce foyer ? 2 ans. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis câbleur. Combien vous payez de loyer ? Je paye 27 000 francs par mois. C'est pas très cher. Mais comment pour 6 mètres carrés, c'est un peu cher. Regardez, on 6 mètres carrés. On ne peut même pas bouger, il y a le lit, il y a la table. Par erreur, quand on trébuche un peu, on pique sur la table ou sur la chaise. Et vos camarades sont tous dans la même situation que vous ? Il y en a même plus pire que moi. Par exemple ? Par exemple, il y en a qui sont au chômage, et puis ils ont des enfants dans le pays d'origine. Il faut qu'ils vivent, ces gosses. Moi, j'habite le foyer de Pierrefitte. Et les camarades, quand ils ont commencé la grève, ils m'ont contacté pour faire la grève dans le foyer Sonacotra. Je lui ai dit, aucun problème, on commence. On a mobilisé, on a 35 nationalités. On a 35 nationalités. De Cambodge, on passe par Laos, Chinois, et puis on va à l'Afrique. Donc, tous ces gens-là, on les a fait comprendre qu'on ne fait pas la politique pour être politicien, on fait la politique pour défendre notre droit. Et c'est moi qui ai mobilisé mon foyer avec plus de 280 personnes. Ma parole d'honneur. Et c'est comme ça qu'on a pu organiser la lutte dans les foyers Sonacotra contre les règlements scélérates, règlements intérieurs, qu'on est typiquement militaire, quoi. Dans les foyers, on n'a aucune liberté. Aucune liberté, c'est-à-dire, on est là. On arrive de travail, on dort, le matin on part, et les gérants du foyer, les directeurs du foyer, ils ont les clés. Donc ils rentrent dans nos chambres, ils fouillent dans nos chambres, ils voient tout ce qu'on fait, ils notent ça à la police, ou ils ramènent la police, ils le voient, parce que c'est les directeurs du foyer qui étaient recrutés, ceux qui sont participés à la guerre en Algérie, qu'ils ont l'habitude avec des Africains, avec les étrangers. Donc, ils les ont mis comme responsables dans ces foyers-là. Et au long de la journée, au long de la nuit, ils sont en train de menacer les gens, surveiller les gens, même avec des armes aussi. Ils étaient armés, ils font peur les gens avec des armes et tout ça. Même ton frère ou ton fils, il vient dans le foyer, tu n'as pas le droit de l'accueillir chez toi ou de le recevoir chez toi. Nous, on a dit, on attendait nos états qui nous défendent, on attend des amicales, soi-disant algériens, tunisiens, marocains, qui n'ont rien pour eux. C'est des amicales qui sont là pour faire, comme on l'appelle, des polices d'État, quoi. C'est, qui prennent les informations sur les travailleurs immigrés, parce qu'ils nous disent, vous êtes des étrangers, vous n'avez pas le droit de faire la politique. Eux, ils ont le droit de faire la politique sur nous, ils gagnent de l'argent sur nous, mais nous, on n'a même pas le droit de se défendre, quoi. Et nous, on a dit non, on a le droit. C'est trop cher. Et déjà, vous savez, le loyer est cher. Premièrement, c'est construit avec la face de l'action familiale et la face action sociale de notre argent. Le gérant, c'est un gérant... Cher chéri. Cher chéri, Allah yarhamou. Mustafa, cher chéri. Tu as entendu parler de lui? Tu l'as vu ou pas? Tu l'as pas vu. Elle est partie en Algérie et s'est décédée là-bas. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il raconte ce qui passe dans les foyers. Où il y a comment, de 200, plus de 200 personnes. Combien de personnes? Il y en a 260. Ouais, il a bien travaillé, Chercheri. C'est un gros militant. Un gros militant, Chercheri. C'est vrai. C'est âgé, mais et c'est engagé avec toutes ses forces. Comment dans la grève vous êtes organisé? Les délégués, ils sont là. Il y en a deux ou trois par étage. C'est l'autre qui partait, par exemple, c'est l'autre qui remplace. C'est l'autre qui n'est pas là, c'est l'autre qui remplace. C'est toujours comme ça. Ils ont demandé, par exemple, 3 francs. Grâce à 3 francs. En plus, l'augmentation du loyer qu'on a demandé, si vous voulez, de baisser les loyers, comme la société a refusé, bon, on a bloqué, si vous voulez, le paiement de loyer. Et ce qui fait, bon, on a dégagé tous les gérants racistes qui étaient dans les foyers et on a pris la responsabilité parce qu'on a découvert qu'il y avait un fonds, le fonds d'action sociale d'argent qui rentre tous les mois dans ces foyers-là. Parce que l'État financier pour les travailleurs immigrés, pour les sorties, pour les fêtes, pour les trucs comme ça. Puis, on a vu qu'il n'y a rien. Des dizaines d'années, on n'a absolument rien vu. Et à une matinée, on a une vague de police le matin. Ils croyaient que nous, les responsables, on est comme de lapins dans nos chambres. Mais bon, malheureusement pour eux, ils ne nous ont pas trouvés. Hein. Ils ont pris nos camarades qui nous soutiennent. Non, il y a 21 personnes qui ont été expulsées en une matinée. 21 personnes qui ont été expulsées en une matinée. Il a ramassé les gens comme des animaux, mettez-les dans l'avion, et puis envoyé chez lui comme ça. Donc, bon, la justice nous a donné droit et on nous a fait ramener nos camarades. Ma parole d'honneur. Et ils nous demandent un prix à l'époque. Pour nous, c'est trop cher. Ils vont nous augmenter coûte que coûte. Bon, on a stoppé les paiements, mais on continue à payer ce qu'on doit payer avant chez l'huissier. Mais finalement, bon, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a condamnés pour nous faire payer le retard. Nous, on a refusé de payer, on a fait un appel. Mais finalement, bon, on a gagné à la fin. Tout ce qu'ils nous ont tiré, 6 arrêts sur salaire. Tout cet argent, on les a ramenés. Les chèques qui tiennent, lui qui ne peut pas partir en vacances, il est parti en vacances avec cet argent-là. Les foyers, ils étaient libérés totalement. Mais bon, c'était très bien passé, à part bien sûr les flics qui voulaient freiner le mouvement. Puis il y a les partis aussi, le parti communiste, il y a le parti... Bon, le parti socialiste, il a double visage. Hein. C'est pas... Ils nous montrent les dents, mais derrière, ils veulent bien nous récupérer, hein. Et à moi, la mairie de Perfit, là, à l'époque, ils m'ont convoqué, ils m'ont proposé de l'argent. Ils m'ont proposé de l'argent. J'ai dit, attends, je n'ai jamais été trahison pour trahir mes frères. Des élus, soi-disant, des communistes. J'étais dans le café à côté, on discutait avec les camarades, et les camarades, avec un copain qui me courait, Fidaï me dit, il y a des communistes, ils sont en train de parler avec les gens derrière toi. Et bien, quand j'ai parti là, je me fais sortir du foyer, hein, tout de suite. Ah, ma parole, j'ai chassé du foyer. Ah, ils sont partis, hein. Ils sont partis parce que sinon le foyer descend tout de suite. Hein. Il y a 280 personnes, là, je les mets devant la porte. هذا كيفاش المنار انا اللي عاملين معنا لا غريف مع الوفيات ثم 40 ولا كيفاش 40 اللي هما راهم معنا كلهم متحدين في لا غريف. واش تحب تقول الاخوان العرب اللي هما يتصنتوا في الكاسات في كل مكان؟ واش تحب تقولهم انت كاخ يعني عامل لا غريف باش تشجعهم؟ Et puis arrive l'été 79. Bon, les vacances, et tout. Ça va être la pire, ça va être l'année de tous les coups tordus du pouvoir. C'est l'époque du Giscard Stoléru, ils sont en train de renégocier l'accord bilatéral franco-algérien. Les Algériens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, etc. Il y a les histoires des foyers, c'est très tendu. Eric Bernard et Serge Destarac qui faisait la maquette et quelques autres, on a sorti ce qu'on considère parmi les meilleurs numéros de Sans Frontières, le meilleur numéro de tous les temps. Mougnis Abdallah, fondateur de l'agence Immédia. Il y a les foyers Sonacotra qui se font expulser. À Nanterre et à Garges, les Gonesses et tout. Double page. Voilà, moi j'avais écrit un papier sur les Sonacotra à Nanterre. Longwy, ils étaient en train de fermer les usines de la sidérurgie à Longwy. Et donc, petite anecdote marrante, à Garges des Gonesses, au campement de Garges durant l'été, il y a les gamins de la cité qui viennent avec un chariot plein de nourriture en soutien aux résidents expulsés. Et Mustapha Cherchari, un des commissaires politiques, entre guillemets, du comité de coordination, il voit les jeunes sapés, bananes, rockers, et ça. Mais chrot, quoi, basané. Et il apostrophe les jeunes, il dit, mais ça vient d'où? Je dis, ça vient du supermarché en face. Comment vous êtes procuré ça? Je dis, on s'est servi, on est sorti. Furieux, le gars, il dit, non, on n'est pas des voleurs. Et le voilà qui oblige les trois chariots à retourner au supermarché pour restituer la nourriture. Bon, les jeunes, ils s'exécutent. Et c'est là que débarquent les sidérurgistes de Longwy, notamment CFDT. Et les gamins les voient, c'est des rockers, hein, visiblement. Ils avaient fait des actions d'éclat. Ah, mais Longwy, c'est pas vous qui avez détourné Johnny pour l'amener à l'usine? Ils disent, ouais, c'est nous. En fait, les sidérurgistes, lors d'une action, je crois que c'était à Metz, ils ont vu Johnny Hallyday dans le train. Hop, ils lui ont dit... viens avec nous, parce qu'on est dans la merde à l'usine. Et il a accepté. Et donc, dans la presse, il est devenu Johnny kidnappé par les sidérurgistes, etc. Mais vu les images, et puis diffusé à la télé et tout, forcément, les rockers, ils l'ont eu. Et donc, vous avez kidnappé Johnny, c'est super et tout. Si on peut faire quelque chose pour vous, on vient. Et il se trouve que parmi les foyers en lutte, il y avait le foyer de Longwy Mont-Saint-Martin et qui avait prévu une journée de solidarité au mois de septembre. Donc, ce qu'on décide, l'Aix-en-Frontière, d'affréter un car avec les mômes de Garges, là, qui avaient été roudoyés par Chachali, et avec aussi des troupes de théâtre, dont une s'appelait Mohamed Travolta. Et on va à 50 à Longwy et... il y avait un paquet, des paquets de sans frontières, ça. Les mômes, ils vont avec et ils vont dans la cité à côté, tout ça, ils font du porte-à-porte et d'ailleurs, ils se font un peu d'argent de poche et tout. Mais pour la première fois, des gens des HLM qui avoisinaient le foyer sont venus dans le foyer. Et le lien s'est fait entre résidents des foyers Sonacotra et habitants des HLM grâce à ces mômes, quoi. Et ces mômes qui sont allés piquer des trucs au supermarché, quoi. أيها الإخوة أيها الأصدقاء كم أحنا سعداء في هذا الاجتماع العظيم فعلى كل حال كلنا يعلم كلنا نعرف ما توصلنا لهذا الاجتماع إلا حتى نتوحدنا وعملنا اليد في اليد وستعلم. J'ai une autre image à vous montrer, moi, qui m'a beaucoup marqué dans mes jeunes années, dans ma formation de jeune historienne. Je n'ai plus la source parce que c'est une image un peu iconique où on voit comme une assemblée générale de grévistes avec un immigré maghrébin qui lève le poing, un peu comme les photos du Front Populaire de 36, et avec le sous-titre MTA, à quand un syndicat arabe. Et ce questionnement a beaucoup taraudé le syndicalisme français, qui sur certains sites industriels, comme par exemple sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt chez Renault, où 80% de la masse salariale est d'origine étrangère et majoritairement maghrébine et subsaharienne. À tel point que, depuis que les immigrés ont le droit d'être des délégués syndicaux en 1972, que ce soit la CGT, la CFDT ou Force ouvrière, ils proposent carrément des tracts et des formations de délégués syndicaux dans les langues d'origine, c'est-à-dire par exemple en arabe. Parce qu'ils ont peur d'une autonomisation syndicale des travailleurs immigrés, et donc de ce qu'on appelait à l'époque d'une fracture de la classe ouvrière. Pour la gauche, et notamment pour les syndicats de gauche, la seule lutte qui vaille, c'est celle des classes. On revient toujours à la même question, celle de l'autonomie. Et je pense que cette demande d'autonomie, elle va toujours être mise en ambivalence avec celle de l'allégeance. On doit être prêté allégeance aux syndicats traditionnels français, on doit prêter allégeance à la France et à la République et à son discours identitaire. On ne doit en aucun cas, du MTA, en passant par la génération Beurre jusqu'à nos jours, avoir des demandes spécifiques d'ordre culturel, d'ordre politique, d'ordre social. Et je pense que cette ambivalence, aujourd'hui, on n'en est pas sorti. Et l'héritage des luttes du MTA nous donne déjà la matrice des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui sur l'incapacité de la société française à s'enrichir de récits pluriels et à prendre en compte une forme de diversité, mais qui est mise en partage et en dialogue avec un récit collectif. Je pense que quand on sera capable d'accepter cette complexité, l'héritage du MTA prendra toute son ampleur et toute sa place, parce que les historiens, les journalistes comme vous, les médias vont redécouvrir cette séquence de l'histoire de France. Ce n'est pas une histoire du Maghreb, c'est une histoire ouvrière française, une mémoire des luttes sociales qu'on ne connaît que trop peu et qui pourtant ont structuré des mouvements sociaux et ont jalonné des mouvements sociaux jusqu'à aujourd'hui. Et nous serions très inspirés de puiser dans cette histoire singulière pour en faire le récit, le mettre en partage. Vous vous rendez compte, là, vous venez me voir 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard pour parler des MTA. Ça veut dire que la graine a poussé jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade contrastant ses souvenirs. Vous n'avez jamais travaillé, jusqu'à présent vous n'avez jamais travaillé à l'usine. Il est arrivé sur un ponton terne, je travaillais tous les 4 mètres de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur. Vous avez déjà travaillé à l'usine. S'en prend dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels strident en force à 5, leurs espoirs tels des couches. Mais vous savez ce qu'on pense que c'est que le travail à la chaîne. Qu'elles gardent en elles, c'est qu'elles marquent son cuir et le morcel. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizen qui pleure un fils parti. Gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'était Exister. C'est Exister politiquement avec Bernard Lehambre, Naïma Yahi, Eddy Akari, Mohamed Difedaï ou Mohamed Saint-Denis, Mognis Abdallah et Saïd Bouziri. Coordination Perrine Carvran, attachée d'émission Marivana Bolivier, archive INA et archive de l'agence Immédia, mixage Claude Nior, un documentaire de Hajar Benoubaker réalisé par Angélique Thibault. Autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Tunisien, algérienne, marocain, cambodgienne, ouvrier, militante ou syndiqué, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Ménilmontant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivana Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons ausculter l'épopée du folk. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.